yeux blancs, on ne voit pas ses veines. Elle est toute fine, quoique un peu rond. Onde, elle sent si bon que tu en perds ton haleine. Ses sœurs sont brunes, mais toi, t'aimes la blonde. Tu te fais allumer par tous les gars du quartier. À peine ils te connaissent, ils te mettent dans la poche. Ils ont beau te présenter, tu ne me fais aucun effet. Moi je veux pas toi, toi tu mourras pas. Au tout début, tu ne l'aimais pas. Au fil du temps, tu ne comprenais pas. Ils en avaient tous une, et pas toi. Une garce comme ça, c'est sûr, c'est toi le roi. Tu te fais allumer par tous les gars du quartier. À peine ils te connaissent, ils te mettent dans la poche. Ils ont beau te présenter, tu ne me fais aucun effet. Moi je veux pas toi, toi tu mourras pas. Heureusement qu'elle était là. Que ferais-tu, que ferais-tu si tu ne l'avais pas? Ben tu vois, tu t'es bien fait baiser. Ben oui, par elle. Et pour ton porte-monnaie, tu te fais allumer par tous les gars du quartier. À peine ils te connaissent, ils te mettent dans la poche. Ils ont beau te présenter, tu ne fais aucun effet. Moi je veux pas de toi, toi tu mourras pas. Tu te fais allumer par tous les gars du quartier. À peine ils te connaissent, ils te mettent dans la poche. Ils ont beau te présenter, tu ne me fais aucun effet. Moi je veux pas de toi, toi tu mourras pas.